Chapitre 12. À la pointe du jour, j'allais me mettre en sentinelle à ma fenêtre, et je disposais la jalousie de manière que je pusse voir sans être vu. Je devais redouter les regards de Madame Munich, qui, m'ayant admiré autrefois sous mes habits d'Amazone, m'aurait peut-être reconnu malgré mon travestissement nouveau. Un corps de logis considérable était devant moi à 50 pas de distance. Il y avait là tant de chambres. Où était celle de ma Sophie? Mes yeux, sans cesse errants, parcouraient le bâtiment d'un bout à l'autre et ne savaient où se fixer. À 7 heures du matin, je fus obligé de quitter mon poste. Mes hôtes venaient visiter leur nouveau locataire et m'amenaient leur jardinière, qui se chargea du soin de faire le petit ménage de Madame Firmin. J'allais m'asseoir derrière ma jalousie dès que je fus seul. Beaucoup de demoiselles vinrent se promener au jardin. Sophie n'était pas avec elle. Je les vis courir, danser, s'amuser à ces petits jeux qu'inventa la paisible innocence. Que ces jeunes filles étaient jolies. Mais hélas, Sophie n'était pas avec elle. Si je parvenais à les attirer près de mon pavillon, peut-être que ma jolie cousine viendrait se joindre à ses compagnes. Une musique tendre affecte si agréablement un cœur amoureux. Sophie viendrait sans doute, je la verrais. Elle reconnaîtrait la voix de son amant. Je me mis à mon forte piano et je chantais, sur un air ancien, ces couplets que m'inspira mon amour. Jeune beauté, je vous supplie de terminer vos jeux si doux. Venez, venez, et parmi vous amenez-moi la plus jolie. La plus jolie et la plus belle. Celle-là m'a donné sa foi. Où la verrai-je? Où donc est-elle? Jeune beauté, montrez-la-moi. Je m'accompagnais de mon forte piano. Aux premiers accords, les demoiselles étaient accourues sous mes fenêtres. Je finissais le second couplet, quand je vis s'approcher deux femmes dont le costume m'effraya. L'une des deux était vieille. Elle gourmanda l'aimable jeunesse, attentive à mes chansons. Mais hélas, Sophie, ma Sophie, n'était pas avec elle. Désespéré de ne pas la voir, je quittai l'instrument. Triste et rêveur, je restai debout derrière ma jalousie. Enfin, j'aperçus, je crus entrevoir, une jeune personne se promenait seule dans une allée couverte qui se prolongeait jusque sous mes fenêtres. Je chantais ce dernier couplet. Mais dans ce bois, quelle est donc celle qui se promène en soupirant? Quand on poursuit son jeune amant, ainsi gémit la tourterelle. Amour, me dit, c'est la plus belle, qui t'a toujours gardé sa foi. Jeune beauté, volez près d'elle, amenez-la, rendez-la-moi. Je ne voyais la demoiselle que par derrière. Cette taille charmante, c'est la sienne. Cette allée couverte est celle où, si j'en crois Adélaïde, ma jolie cousine venait jadis soupirer son amour naissant et malheureux. Ah, Sophie, c'est toi, c'est toi. Une cloche maudite donna à l'instant même le signal de la retraite et m'enleva mes espérances. Toutes les pensionnaires sortirent du jardin. Le lendemain, à 7 heures du soir, la même personne revint au même lieu. Placée derrière ma jalousie, je suivais tous ses mouvements d'un œil inquiet. Sa démarche, lente et mesurée, annonçait sa mélancolie profonde. Elle semblait craindre le grand jour. Elle cherchait dans cette promenade solitaire l'endroit le plus sombre. Quand je ne me fis plus entendre, les jeunes filles se dispersèrent dans le jardin. Cachée par ma jalousie, agenouillée sur mon balcon, je ne perdais pas de vue l'intéressante demoiselle qui se promenait toujours à pas lents. Enfin, elle fit quelques pas de mon côté. Je la vis. C'était elle. Un peu pâle, un peu changée, mais toujours si belle. Elle était encore trop éloignée pour que j'osasse hasarder de lui faire aucun signe. Mais je m'enivrais du bonheur de la regarder. La cloche fatale donna alors le signal maudit. Déjà, toutes les pensionnaires sont sorties du jardin. Sophie retourne sur ses pas et s'éloigne tristement. Désespéré de voir s'échapper encore l'occasion de lui parler, je ne puis contenir mon impatience. J'écarte ma jalousie d'une main, et de l'autre, je lance à ma jolie cousine son portrait. Il tombe sur son épaule. Sophie reconnaît la miniature, et dans l'excès de sa surprise, s'arrête pour regarder de tous les côtés. Le moment paraît décisif. Trop amoureux pour être bien prudent, je lève ma jalousie. Sophie voit à la fenêtre du pavillon une femme dont les traits la frappent. Elle avance quelques pas, me nomme, et tombe évanoui. Dans ce moment critique, mon traiteur frappait à ma porte. Je lui criai que je n'avais pas faim, et sans considérer quelle suite terrible pouvait avoir mon extrême imprudence, poussé d'ailleurs d'un mouvement involontaire, je m'élançai par la fenêtre dans le jardin du couvent. Heureusement pour moi, il n'y avait déjà plus personne, personne que ma Sophie. Quoiqu'un peu étourdi du saut périlleux que je venais de faire, je courus sous l'allée couverte me jeter à ses pieds. Mes baisers lui rendirent l'usage de ses sens. « Ah, mon cher Faublas, quel moment ! Mais hélas, qu'avez-vous fait ? Vous avez sauté par la fenêtre, n'êtes-vous pas blessé ? Non, ma Sophie, non. Mais si l'on vous a vu ? Mais comment rentrerez-vous dans ce pavillon ? Nous sommes perdus tous deux. Faublas, dites-moi la vérité, n'êtes-vous pas blessé ?» Comme elle me parlait, nous entendîmes retentir dans les airs le nom de Pontis que plusieurs femmes répétaient en glapissant. J'avoue que je fus épouvanté. Je me jetai à plat ventre derrière une charmille. Sophie, à qui la frayeur rendit des forces, vola au-devant de celle qui venait la chercher. « N'entendez-vous pas la cloche, mademoiselle ? Faudra-t-il tous les soirs courir après vous ?» lui dit aigrement Madame Munich, dont je reconnus la voix sèche. Quelques religieuses, qui avaient accompagné la gouvernante, grondèrent aussi ma jolie cousine. Elles sortirent ensemble du jardin, dont elles fermèrent la grille. Je me vis absolument seul, mais fort embarrassé. Dès que Sophie ne fut plus là, je ressentis un malaise général, sans doute produit par la secousse violente que je m'étais donnée. Ce n'était pas ces douleurs passagères qui m'inquiétaient le plus. Il s'agissait de rentrer chez moi. Je ne pouvais tenter l'escalade du mur que lorsque la nuit serait tout à fait venue, que lorsque tout le monde serait couché dans le couvent, et la circonstance exigeait qu'en attendant le moment de m'évader, je prisse au moins la précaution de me cacher quelque part. Un vieux marronnier, dont les branches étaient basses et le feuillage épais, m'offrait un asile plus sûr que commode. Comment monter sur cet arbre dans l'équipage où je me trouvais ? Je pris le parti d'ôter mes jupons, je les roulai fortement ensemble, en me glissant derrière les arbres, le long du mur jusqu'à mon pavillon, je lançai le paquet dans ma chambre, par la fenêtre restée entr'ouverte. Ensuite je revins au marronnier, sur lequel je grimpai lestement. Mais son écorce raboteuse fit de longs accrocs aux légers caleçons dont mes cuisses restèrent plutôt embarrassées que couvertes. Je demeurai là 3 heures entières, espérant toujours que la lune, dont quelques nuages épars affaiblissaient déjà les rayons, me retirerait tout à fait sa lumière importune. Cependant, sur les 11 heures, le calme profond qui régnait partout m'enhardit à descendre. En vain j'essayais de remonter chez moi, en vain je cherchais, le long du mur nouvellement crépi, quelques endroits d'un accès facile. Lorsque, parvenu à quelques pouces de hauteur, je voulais avec mes mains, péniblement accrochées, m'élever davantage, mes pieds restaient pendants, je ne trouvais plus où les cramponner, il fallait bien retomber. Je me livrai pendant plus d'une heure à ce rude exercice. Enfin, mon courage m'abandonna avec mes forces. Les doigts en sang, le corps froissé, je me couchai par terre et m'abandonnai tristement à mes réflexions. Comment ferais-je lorsque le jour, bientôt revenu, montrerait aux religieuses un homme enfermé dans leur jardin ? Un homme, car je n'avais plus de jupons et mon très mince caleçon, déchiré en plusieurs endroits, trahirait mon sexe. Ces femmes, effrayées, irait chercher main forte. Madame Munich me reconnaîtrait. Je retomberais au pouvoir d'un père sévère, jaloux de son autorité. Le baron me renfermerait encore. Il m'enlèverait pour toujours à Sophie cruellement compromise et peut-être déshonorée. Déshonorée, cette horrible idée redoublait mon désespoir quand j'entendis un petit cri aigu et prolongé, tel à peu près que le produit une grille qu'on s'efforce d'ouvrir doucement. Je me précipitai vers mon marronnier protecteur. Je n'atteignis sa cime qu'aux dépens de mon pauvre caleçon qui pendait par lambeaux. Après quelques minutes de calme, un léger bruit frappa mon oreille. Une femme, dont le clair de la lune me laissait distinguer le costume remarquable, s'avançait avec précaution sous l'allée couverte, en regardant de tous les côtés. À l'instant même, je vis un homme paraître sur le chaperon du mur, le long duquel il descendit avec une agilité qui me surprit. Il se glissa derrière les arbres, vint sous l'allée couverte joindre celle qui l'attendait. tous deux s'assirent au pied du marronnier, sur lequel je demeurais immobile et attentif. Je les entendis s'applaudir mutuellement du succès de leur témérité, se faire les plus tendres protestations, confondre leurs soupirs et accompagner de ces douces épithètes consacrées par l'amour, leurs noms qu'ils répétèrent plusieurs fois. Je reconnus dans l'amant l'unique rejeton d'une maison illustre. À son véritable nom, que je dois taire, on me permettra de substituer celui de Derneval. L'amante, ce n'était pas une pensionnaire, ce n'était pas une dame en chambre. L'amante, je l'appellerais Dorothée. Amour, quelle noble famille tu réunissais dans ces deux personnes! Puisque Derneval était entré volontairement dans le jardin et qu'il ne témoignait aucune inquiétude sur les moyens d'en sortir, il avait une retraite assurée et je le forcerais bien à me laisser sortir avec lui. Cette réflexion toute simple se présenta tout à coup à mon esprit. Je n'en attendis pas une autre. Je saisis l'extrémité de la branche qui me parut la plus longue et la plus flexible. Je m'élançai, la branche se courba, et quoiqu'elle m'eût porté à peu de distance de terre, je tombai lourdement. Au bruit de ma chute, à l'apparition subite d'une figure aussi étrange que la mienne, Dorothée frémit. Derneval se releva brusquement, me saisit par le bras, et soudain m'appuya sur la poitrine le bout d'un pistolet. « Oh, ne la tuez pas !» s'écria Dorothée d'une voix très altérée. Je regardai mon ennemi tranquillement et je lui dis d'un ton calme « Je ne crains rien, monsieur. Je sais bien que Derneval ne m'assassinera pas, mais soyez tranquille aussi, je ne trahirai pas vos amours fortunés. » Tandis que je lui parlais, Derneval me regardait de près. D'abord, il fut trompé par ma coiffure féminine, par le petit caraco blanc, mais le caleçon déchiré attira aussi son attention, et une toile très fine, modelant certaines formes délatrices, lui donna de terribles soupçons. « Est-ce une femme ? » s'écria-t-il. D'un coup de main rapide, il éclaircit ses doutes, et dès qu'il fut sûr de mon sexe, « Créature amphibie, vous direz qui vous êtes ?»« Derneval, je suis amant, comme vous. » « Amant de qui ?»« De la fille la plus belle et la plus vertueuse que ce couvent renferme. »« Monsieur, comment s'appelle-t-elle ? Comment vous nommez-vous » Je les regardais tous deux. « Je sais vos noms, mais je ne vous les ai pas demandés. »« Derneval, qu'il vous suffise d'apprendre que je suis gentilhomme. »« Vous êtes gentilhomme ?»« Monsieur, je ne vous demande qu'un moment. » Il remit son pistolet dans sa poche, et tandis qu'il réparait certaines parties de son habillement fort en désordre, Dorothée, qui s'était avant tout occupée du soin de se rajuster, me fixait avec une attention que je pris pour de la hardiesse. Son amant revint vers moi. « Monsieur, quelle que soit votre maîtresse, vous l'aimez apparemment autant que j'adore la mienne. Il faut que la mort de l'un de nous deux assure à l'autre un éternel secret. Derneval, sortons ensemble, je suis prêt à vous satisfaire. « Et vous croyez que je le souffrirai ?» interrompit Dorothée en se précipitant dans les bras de son amant. « Mon cher Derneval, et vous, monsieur de Faublas ?»« De Faublas, qui vous a dit ?»« Je vous reconnais, vous êtes le chevalier de Faublas, vous êtes le vivant portrait d'Adélaïde. Je vous ai vu quelquefois au parloir, vous y demandiez votre sœur. Votre sœur n'y allait jamais sans cette jolie mademoiselle de Pontis. » « Chevalier, c'était vous qui chantiez cette romance ?» C'était pour mademoiselle de Pontis que vous la chantiez. Derneval, Faublas, poursuivit-elle, en unissant nos mains dans les siennes, la conformité de vos aventures doit vous inspirer une égale confiance. Chacun de vous doit trouver dans l'autre un compagnon discret, un ami fidèle, et vous iriez vous égorger. Et Sophie ou Dorothée seraient bientôt réduites à pleurer son amant. Monsieur de Faublas, jurez-moi une inviolable discrétion. « Je jure par Sophie. »« Et moi par Dorothée, » s'écria Derneval. Nous nous précipitâmes dans les bras l'un de l'autre, et cet embrassement réciproque fut le gage de la fraternité que nous nous promîmes. Les deux amants écoutèrent patiemment le récit des événements qui m'avaient amené dans le lieu où je les avais surpris. Derneval me dit ensuite, « La lune se cache de plus en plus. Nous sortirons d'ici quand l'orage qui se prépare éclatera. » « Permettez que Dorothée et moi, nous vous laissions seuls un moment. » Le moment fut long. Lassé d'attendre, je m'endormis sous l'arbre au pied duquel je m'étais jeté. Quand je me réveillais, de rapides éclairs sillonnaient une épaisse nuée, au sein de laquelle le tonnerre roulait avec un épouvantable fracas. Le ciel vomissait des torrents d'eau. Je me levai très surpris de ne point voir paraître d'Erneval. Je m'avançai avec inquiétude sous l'allée couverte, du côté qu'ils avaient pris pour s'éloigner. Que les amants s'en distraient, préoccupés. Tandis que les éléments paraissaient prêts à se confondre, d'Erneval et Dorothée s'amusaient à des bagatelles. « Le ciel est en feu, » me dit d'Erneval. « On nous découvrira peut-être l'allure des éclairs. Il faut attendre encore. » d'Erneval. « Vous en parlez à votre aise. Je suis presque nu. » « Mon cher compagnon, croyez-vous que cette pluie ne m'amouille pas aussi ?»« Ah, Dorothée est avec vous. » Je m'éloignais, triste et pensif. Une demi-heure après, il fallut retourner à d'Erneval pour l'avertir qu'il ne tonnait plus et qu'une obscurité profonde favorisait notre retraite. Il fit enfin ses adieux à Dorothée. D'Erneval me prit par la main et me dit « Dorothée vous estime. Elle aime Mademoiselle de Pontis. Nous sommes frères. « Vous verrez votre Sophie, vous la verrez. »« La nuit prochaine, mon cher compagnon ?»« Non. Notre imprudence, heureuse cette nuit, pourrait ne pas l'être toujours. Je tremble d'exposer Dorothée. Vous ne voudriez pas compromettre Sophie ?»« Chevalier, nous ne nous voyons ici que deux fois par semaine à peu près, et la nuit du rendez-vous est toujours une nuit pluvieuse et sombre. Un signal dont nous sommes convenus ne me trompe jamais. Et quant à vous, il ne sera pas difficile de vous avertir, puisque vous logez dans ce pavillon. Soyez tranquille, dans 3 jours plus tard, vous verrez Mademoiselle de Pontis. Partons. » Il me conduisit vers la partie du mur où son échelle de corde était attachée. Nous vîmes que de là je gagnerais bien mon pavillon, mais je ne pourrais atteindre ma fenêtre sous laquelle nous retournâmes. D'Erneval était d'une grande taille, il me fit monter sur ses épaules, et soutenant ensuite mes pieds avec ses mains, il me poussa vigoureusement, au moment où je saisissais les cordes de ma jalousie. Dès qu'il me vit chez moi, il retourna à son échelle, au moyen de laquelle il escalada le mur en un instant. J'étais fatigué, j'avais faim. Je m'endormis profondément en attendant mon déjeuner qui m'arriva sur les 10 heures du matin. On me remit en même temps une lettre venue pour moi par la petite poste. Elle était de Rosembert. Il m'apprenait que le soir même de mon enlèvement, Madame ma chère mère avait osé venir lui demander ce que Madame Ducange était devenue. Pour consoler cette mère désolée, et pour la déterminer en même temps à croire qu'il n'avait jamais connu sa fille, il avait employé un de ces arguments victorieux qui ne manquaient jamais leur effet sur la Dutour. Au reste, il me recommandait de ne pas sortir de chez moi et d'y garder l'incognito le plus absolu. Madame de B me faisait chercher partout. Des gens apostés rôdaient toute la journée autour du couvent. Mon père ne pouvait faire un pas sans être observé, et l'hôtel du comte était investi même pendant la nuit. Je tirai de ma poche le portrait du vicomte de Florville et je le baisai. Je n'entreprendrai pas de justifier ce mouvement, sans doute condamnable, quoique involontaire. Tout ce que je puis dire au lecteur, pour l'engager à me continuer son indulgence, c'est qu'un moment après, je ne songeais plus qu'à ma Sophie. Je la vis paraître à 7 heures du soir. Elle était accompagnée d'une femme dont l'habit m'effraya d'abord, mais que je reconnus bientôt pour Dorothée. Toutes deux passèrent sous ma fenêtre. Dorothée pouvait-elle être belle auprès de Sophie qui brillait entre toutes ses compagnes, comme une rose au milieu des autres fleurs. Je ne pus me modérer en la voyant si près de moi. Elles entendirent toutes deux le cri de ma jalousie que j'allais lever. Leur prompte retraite prévint mon imprudence et m'en fit repentir. Elles eurent du moins l'attention de s'asseoir sous l'allée couverte à peu de distance et vis-à-vis de mon pavillon. Sans doute elles s'entretenaient de moi, car ma jolie cousine parlait avec feu et regardait toujours ma fenêtre. Bientôt, au geste de Dorothée, je compris qu'elle montrait à ma Sophie le côté du mur par lequel d'Erneval s'introduisait dans le jardin. Mon cœur était pénétré de la plus douce joie. Le lendemain, même promenade, même imprudence, même châtiment, même plaisir. Cependant, le ciel était calme et serein. Plus impatient qu'un laboureur dont une sécheresse de 2 mois brûle les terres inutilement ensemencées, j'invoquais les vents du midi, j'allais sans cesse de la girouette au baromètre. Le 3e jour enfin, de gros nuages obscurcirent les rayons du soleil couchant. La nuit sera pluvieuse, dit Dorothée en passant sous ma fenêtre. Et moi, je crois qu'elle sera belle, répondit ma jolie cousine. Ah oui, bien belle, m'écriai-je assez haut. Les deux amis qui redoutaient toujours ma vivacité s'éloignèrent promptement. À minuit précis, Derneval fut au pied de mon pavillon. Il me jeta une échelle de corde que je fixais sur ma fenêtre, et bientôt j'embrassai mon frère. Nous avançâmes sous l'allée couverte. Ma jolie cousine et sa tendre amie nous y attendaient. « La voilà, me dit Dorothée. Je vous la livre avec confiance, monsieur de Faublas. Elle ne vous aimerait pas tant si vous n'étiez pas digne d'elle. Ah, croyez-moi, respectez sa timide jeunesse. Prolongez cette époque délicieuse de l'amour vertueux et pur. Que votre union soit innocente, puisqu'elle peut l'être encore. Qu'un jour, en heureux hyménée... Hélas, cet espoir vous est permis, belle Sophie. Cette odieuse enceinte ne vous renferme pas pour toujours. D'affreux serments... » Ses sanglots lui coupèrent la parole. Derneval, impatient de la consoler, l'entraîna. Je restai avec ma Sophie. Qu'il me soit permis de répéter ici ce qu'on a dit mille fois, le véritable amour est timide et respectueux. Passer des heures entières avec une maîtresse adorée, tenir sur ses genoux la plus jolie des filles, respirer son haleine, sentir palpiter son cœur et se contenter de presser doucement sa main, ne prendre qu'en tremblant un baiser sur ses lèvres, ne pas oser solliciter des faveurs plus précieuses qui semblent réservées pour l'amante aimée, voilà ce que le jeune Faublas n'aurait jamais cru possible. Voilà l'étonnante vérité dont sa jolie cousine le convainquit dans ce premier rendez-vous. Et Derneval, à qui la tendresse de Dorothée ne laissait plus rien à désirer, Derneval était peut-être moins heureux que moi. Ce fut lui, cette fois, qui vint m'avertir qu'il était temps de nous retirer, que l'aurore ne tarderait pas à paraître. « L'aurore, il n'y a pas une heure que nous sommes ici. Allons, chevalier, interrompit Dorothée, prenez courage. Nous nous reverrons dans 3 jours. Ah, Sophie, je tremble toujours que Madame Munig, mon cher cousin, quand après souper ma gouvernante a bu quelques verres de ratafia, elle ne songe plus qu'à dormir. C'est moi qui reste chargé du soin de fermer la porte de notre petit appartement. Allons, le temps se passe, interrompit encore Dorothée. Il ne faut pas que le crépuscule nous surprenne ici. Derneval, dans 3 jours, peut-être un peu plus tôt, hélas, peut-être un peu plus tard. Adieu, ma Sophie. Dans 3 jours, un peu plus tôt, si cela se peut. Mais je vous en prie, jamais plus tard. Adieu, ma Sophie. Pour cette fois, le ciel s'intéressait aux vœux d'un amant. Un temps couvert me fit croire le second jour que le rendez-vous serait avancé. Ma jolie cousine, passant sous ma fenêtre à l'heure ordinaire, confirma mon espoir. « La nuit sera pluvieuse, » dit-elle. « Oh, ma Sophie !» Elle n'attendit pas la fin de ma réponse. Une heure après, mon traiteur frappa à ma porte. Je soupais, quand un inconnu me remit une lettre, en me disant qu'il était chargé d'apporter ma réponse. C'était une lettre de Rosenberg qui m'apprenait que mon père était au désespoir de mon absence. Je me recueillis un moment, puis, appelant l'inconnu, « Monsieur, vous direz à celui qui vous envoie que je lui ferai réponse demain. » Je n'attendis pas que minuit fût sonné pour descendre au jardin. Mais mon impatience ne pouvait avancer l'horloge du couvent. Les deux charmantes recluses ne vinrent qu'à l'heure marquée. Aussitôt que Derneval se fit entendre, Dorothée courut au-devant de lui. Je fus étonné de les voir revenir tous deux une demi-heure après. « Chevalier, me dit Dorothée, vous avez le secret de ma vie, mais je vous dois une histoire détaillée de mes amours longtemps infortunés. » Elle en commença le touchant récit qu'elle ne put finir sans verser un torrent de larmes. « Console-toi, ma chère Dorothée, console-toi, s'écria Derneval. Tu n'as pas longtemps encore à gémir dans ta prison. Bientôt, je t'arracherai à l'esclavage. Bientôt, tes indignes parents frémiront de ton bonheur, qu'ils ne pourront t'empêcher. Et vous, chevalier, poursuivit-il avec chaleur, vous que nos malheurs ont touchés, vous m'aiderez à les finir. Les ennemis de Dorothée sont les vôtres. Je jure une haine éternelle à ceux de Sophie, et malheur à qui troublera désormais nos amours mutuellement protégés. Derneval, j'y consens volontiers. J'embrassai Dorothée, d'Erneval embrassa ma Sophie. Il n'était pas 4 heures du matin quand je rentrai dans mon pavillon. Cependant, j'allais frapper au corps du logis qu'habitait mon propriétaire. Je le réveillai pour lui demander un passe-partout et pour lui dire qu'une affaire importante m'obligeait de retourner à la campagne, que peut-être mon absence serait longue, mais que je me réservais toujours son pavillon pour avoir, dans tous les cas, un pied-à-terre à Paris. Avant 5 heures, je fus à la porte de Rosembert. Les domestiques ne voulaient point réveiller leur maître qui venait de se coucher. Je fis tant de bruit que le plus hardi alla dire au comte qu'une femme demandait à lui parler. « À cette heure-ci, qu'elle aille au diable !»« Écoute, est-elle jolie ?»« Oui, monsieur, c'est autre chose. Il n'est pas trop tôt, qu'elle entre. »« Eh, c'est Madame Firmin. Ce tour-ci vaut l'autre. » Il se jeta à mon col. « Et il me paraît que ma lettre... »« Rosembert, faites-moi donner des habits d'homme. Je vais de ce pas chez monsieur du portail. »« Je crois que vous le trouverez, mon ami. » Il est sûrement revenu, c'est sûrement lui que j'ai vu hier au Luxembourg. En vérité, le baron m'a singulièrement touché. Savez-vous qu'il est venu ici 10 fois, le baron? Il ne m'a jamais trouvé. J'avais donné des ordres si précis. Rosembert, faites-moi donner des habits. On me choisit parmi les siens ceux qui se trouvaient les plus courts. Je volai chez M. du Portail, qui fut aussi charmé que surpris de me voir. Lovzinski, lui dis-je, je viens vous livrer le fils de votre ami. Je me remets en vos mains sans condition. Daignez seulement être médiateur entre mon père et moi. Voulez-vous bien me conduire chez le baron? À l'instant même, mon ami. Quel plaisir nous allons lui faire. Mon cher baron, quel doux moment tu vas passer. Nous arrivâmes à l'hôtel. Monsieur du Portail me pria d'attendre dans le salon et de le laisser entrer seul dans la chambre à coucher du baron. Je fus bientôt environné des gens de la maison, ravis de revoir leur jeune maître. Jasmin surtout ne pouvait contenir sa joie. Il n'y avait pas 2 minutes que M. du Portail parlait au baron quand j'entendis celui-ci s'écrier. « Il est là, mon ami. Allons, je suis sûr qu'il est là. Mais qu'il entre donc !» Je m'avançai vers la porte. Elle s'ouvrit avec violence. Mon père, presque nu, se précipita dans le salon. Les domestiques s'éloignèrent par respect. Le baron me prit dans ses bras et me couvrit de baisers. Je n'avais pas la force de dire un seul mot. Tout à coup, mon père, comme s'il se fût repenti de m'avoir montré toute sa tendresse, me repoussa d'un air irrésolu. Je me jetai à ses pieds et lui montrant une bourse encore pleine d'or. « Mon père, vous voyez que ce n'est pas la nécessité qui me ramène à vous. » Il se jeta dans mes bras, me pressa contre son sein, m'embrassa 20 fois et mouilla mon visage de ses larmes. Mon père vit bien que mon cœur était plein, que mes sanglots étouffaient ma voix. Il essuya mes larmes qui se confondaient sur mon visage avec les siennes. « Console-toi, mon cher enfant, me dit-il, je ne t'en veux pas. Sois bien persuadé que je ne t'en veux pas. Tu m'as quitté, il est vrai, mais la circonstance t'excusait. Tu m'as laissé plusieurs jours dans l'inquiétude, mais enfin tu es revenu volontairement. » Bah, j'étais plus inquiet que défiant. Je n'ai jamais douté de la bonté de ton cœur. Tiens, je t'aime peut-être plus encore que je ne t'aimais. Et qui ne fait pas de faute à ton âge? Quel jeune homme a jamais réparé les siennes mieux que toi? Quel père plus heureux que le tien peut se vanter d'avoir un meilleur fils? Allons, mon ami, le passé est oublié. Reprends ton appartement, rentre dans tes droits. Monsieur du Portail s'était jeté dans un fauteuil et nous regardait tous deux avec un plaisir mêlé de douleur. Nous l'entendîmes murmurer le nom de sa fille. Le baron, emporté par sa joie, se leva brusquement, alla à son ami, prit sa main et lui dit « Elle se retrouvera, ta fille, elle se retrouvera, et mon fils ?» Il n'acheva pas et, s'adressant à moi, « Phoblas, vous renoncerez à Sophie. »« À Sophie, mon père ?»« Oui, je l'exige. » Sur ce point-là, je serai toujours inflexible. Il faut me promettre de ne plus aller au couvent. Ne pas aller au couvent? Mon fils, je vous répète qu'il faut me le promettre. Eh bien, mon père, puisque vous l'exigez absolument, je vous assure que je n'irai plus au parloir. Voilà ce que je demande. Va, mon ami, va te reposer. je remontais chez moi pour y changer d'habit, et j'allais voir ma sœur qui plaignait beaucoup sa bonne amie, dont elle ignorait le bonheur. Je me rendus ensuite chez d'Erneval, à qui j'appris le changement de ma demeure et les raisons qui l'avaient déterminée. Nous arrêtâmes que la nuit du surlendemain, nous irions au couvent s'il faisait beau. On sait que les nuits pluvieuses ou sombres étaient pour nous les belles nuits. On sait que sur ce point les amants et les voyageurs n'ont jamais été d'accord. Le même soir, Justine vint chez moi. « Bonsoir, ma petite Justine. Il y a bien longtemps que nous nous sommes rencontrés seuls. Oh, monsieur, y eut-il 50 ans? Je vous prie d'abord d'écouter ce que j'ai à vous dire. Madame la marquise, tu es toujours bien jolie, mon enfant. Monsieur, ma maîtresse m'envoie. Elle sait déjà que je suis ici ta maîtresse. Oui, ce matin vous êtes entré par la grande porte. On aime nul le lui dire aussitôt. Mais finissez, monsieur, souvenez-vous de nos conventions. De quelles conventions parles-tu? Vous oubliez tout. Il y a quelque temps, il a été décidé entre nous que lorsque je viendrai ici de la part de ma maîtresse, je commencerai toujours par ma commission. Eh bien, dépêche-toi de parler, ma petite Justine. Monsieur, ma maîtresse a été bien surprise, bien affligée de votre fuite. Mais finissez donc. Et finis toi-même. Tu fais des préfaces comme un auteur sifflé. Ta maîtresse a été bien surprise. Crois-tu que je n'ai pas deviné cela? Un instant, monsieur. Tiens, les exordes m'ennuient toujours, mais dans ce moment-ci surtout. Au fait, ma petite Justine, au fait. Ma maîtresse m'a chargé de vous annoncer que vos amours secrètes... Mes amours secrètes, que veut-elle dire? Mais vos amours avec elle ne sont pas publiques, j'espère. Tu as raison, oui, oui. Elle dit que vos amours sont menacés d'un grand malheur. Elle prévoit un événement fâcheux qui pourrait découvrir ou marquer le secret de votre déguisement. Le secret de mon déguisement? Mais ma belle maîtresse serait perdue. Aussi, elle se désole, elle pleure, elle gémit. Au moins, s'écrie-t-elle quelquefois, si je pouvais le voir. Eh bien, où est-elle? Où faut-il aller? Là, voyez, tout à l'heure, je ne pouvais finir assez tôt. Maintenant, le voilà qui veut me quitter. Ah, Justine, excuse. Mais tu me dis que ta maîtresse se désole. Quel est donc cet événement qu'elle craint? Monsieur, je n'en sais rien. Demain, à 10 heures du matin, elle vous le dira chez sa marchande de mode. Vous y viendrez, n'est-ce pas? Très certainement. Je n'abandonnerai pas la marquise dans une situation si critique. Ah ça, mon enfant, voilà ta commission faite. Depuis si longtemps, j'étais privé du plaisir de voir la jolie femme de chambre qu'on ne sera pas étonné qu'elle soit restée un quart d'heure avec moi.